Bell, Nibigira. La mise en onde est assurée par Epita Sendai Shimie. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce 22 avril 2019, dont voici tout d'abord les principaux titres. Après l'adoption à l'Assemblée nationale du projet de loi portant révision du code électoral, c'est un sentiment de satisfaction du côté du parti Prona. Toutefois, le parti de Ouagasore demande à la CENI de clarifier si le vote se fera par bulletin unique ou pas. Pour ce qui concerne la combinaison de trois scrutins, vous entendrez le porte-parole de cette formation politique. Et dorénavant, l'étudiant ayant accédé à l'université dans le système d'enseignement BMD sans diplôme d'État aura un diplôme de technicien supérieur de niveau A1. C'est le contenu de l'ordonnance ministérielle récemment sortie par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et l'Institut médico-pédagogique de Mutuenzi connaît des difficultés à Gitega. C'est après l'arrêt de aides alimentaires du programme alimentaire mondial. Vous aurez également droit à l'actualité sportive qui a marqué le week-end dernier. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Politique, pour débuter cette édition dans la série de présentations de projets de société des partis politiques, le parti Rassemblement du Peuple Burundais RPB, Nourenganyoué prône une justice équitable. Jeanne-Françoise Nhilameba, présidente de cette formation politique, ajoute que son parti met en avant le développement agro-pastoral. Elle ajoute que le RPB compte renouer des relations diplomatiques du Burundi avec ses partenaires civils. Le parti RPB Nourenganyoué souhaite rassembler les Burundais autour de l'idéal Iteka Iterambere, c'est-à-dire justice sociale et développement. Et nous avons de notre projet de société, c'est d'abord l'importance que nous donnons à la justice pour tous. Et tous les Burundais doivent se sentir protégés par la loi de la même façon. Deuxième pilier, c'est le développement à travers les coopératives, parce que l'union fait la force. Le parti RPB Nourenganyoué souhaite que des stratégies soient prises pour lutter contre cette injustice sociale. Nous avons le projet d'amener les jeunes à l'autopromotion. Nous avons la préoccupation des nombreuses filles qui abandonnent l'école. Nous voulons aussi que les moyens qui sont destinés à l'achat des manuels scolaires, que ce budget-là soit disponible à temps. Nous avons également le projet de renforcer la culture nationale et notamment la langue nationale. Notre projet de société n'a pas oublié les fonctionnaires de l'État. Tous, ils ont le droit de bénéficier de la pension de retraite dans des conditions acceptables. En matière économique, notre priorité se dirige vers l'agriculture, l'élevage et l'environnement. Et en matière économique, nous focalisons aussi notre attention sur les impôts et taxes. Nous souhaitons que l'effectif des contribuables soit majoré, soit augmenté pour que l'exploitation et le commerce des pierres précieuses trouvent sa place dans la planification. Et nous voulons aussi, dans notre projet de société, que tous les Burundais aient accès à l'eau potable. Le parti RPB Nourenganyoué veut renforcer les acquis en matière de la confiance établie entre les organes de défense nationale et de sécurité publique et la population. Le parti RPB Nourenganyoué compte orienter un budget important dans ces secteurs en vue de protéger la population et en vue de protéger les frontières. En matière de bonne gouvernance, l'État doit mettre un budget nécessaire, un budget suffisant pour l'acquisition, planifier bien sûr des immeubles pour les services de l'État, pour éviter de consacrer beaucoup de moyens à la location. Enfin, je voudrais terminer par le domaine des relations du Burundi avec les autres nations et avec les organismes internationaux. Toujours en page politique, le parti Prona se dit satisfait de l'adoption du projet de loi électorale qui prévoit la tenue d'élections présidentielles, législatives et communales en une seule journée. Le porte-parole de ce parti indique que cela va constituer un gain en termes de temps et de moyens pour la préparation des élections. Olivier Nkurunziza, porte-parole de cette formation politique, fait savoir alors que la commission électorale nationale indépendante doit, dans les prochains jours, se pencher sur la question de déterminer si les électeurs vont utiliser un seul bulletin de vote ou autant de bulletins que le nombre d'élections prévues suivies. Au niveau du parti Iprona, il y a des avantages. Premièrement, d'abord au niveau des moyens, ça va avantager le gouvernement du Burundi parce que la campagne électorale au niveau des partis politiques, on va d'abord utiliser peu de moyens. Parce que avant on faisait les campagnes au niveau des législatifs, mais aussi du conseil communal. Et puis, on y retournait encore pour des semaines pour les présidentielles. Cela, ça demandait beaucoup de moyens, mais aussi beaucoup d'efforts. Mais après aussi, il faut savoir qu'on devrait encore chercher des moyens pour les mandataires. Ce n'est pas seulement pour les moyens, mais aussi pour le temps. Les Burundis qui passaient presque tout un mois dans les campagnes, ils auront aussi le temps d'aller faire évacuer à leur travail sans problème. Et cela, ça va aider. Peut-être le problème, ça va surgir au niveau technique, au niveau de la CENI, où on va bien sûr essayer de tout faire pour que, parce qu'on va faire bulletin unique, je pense qu'on va essayer de nous montrer comment on va faire, bien sûr séparément, pour que au niveau des présidentielles, il n'y ait pas pour quand la population burundaise soit à l'aise, si je vais élire un président dans tel parti, que ça soit à l'aise. Et je pense qu'au niveau technique, au niveau de la CENI, ils vont essayer de le faire pour quand même essayer et faciliter le choix pour la population burundaise. Et concernant les 30 millions de cautions pour les candidats aux élections présidentielles, le porte-parole du parti Iprona indique que c'est une somme raisonnable vu que chaque parti qui présente un candidat doit être capable de supporter cette caution. Encore une fois, Olivier Nkurunziza. Au niveau du parti Iprona, ce n'est pas beaucoup. Vous savez, on a rehaussé cette somme par expérience. On a vu qu'en 2015, même en 2010, il y avait des candidats qui se proposaient, mais qui, vers les élections, ils s'absentaient, ils faisaient jouer sur ce poste. Alors, au niveau, il faut limiter ce genre de dérapage qui a eu lieu. Au niveau, alors, il fallait limiter par des moyens. Mais je pense que les 30 millions, ça ne sera pas beaucoup parce que chaque président ou chaque candidat, plutôt président, il doit y avoir des parés. Au moins, on demande 200 personnes. Et quand on évalue 200 personnes, il faut chercher au moins 200 personnes. Chacun qui peut te donner au moins 150 000. Et 150 000 fois 200 personnes, tu auras facilement les 30 millions. Et je pense qu'aussi, au niveau du parti, on n'aura pas, même si ça serait 50 millions, on devrait présenter notre candidat sans problème. Olivier Nkurunziza, il est porte-parole du parti Iprona. Après une courte pause, on va passer en page éducation. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h05, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org, mais également sur Facebook, il suffit d'écrire Isanganiro Burundi et n'oubliez pas de liker. Et je vous l'avais dit en titre, le ministère et tout étudiant ayant accédé à l'université sans diplôme d'État aura un diplôme de technicien supérieur de niveau A1. C'est le contenu de l'ordonnance ministérielle sortie le 18 avril courant par le ministère de l'Enseignement supérieur. Toutefois, Gaspard Banyankimbona, ministre de l'Enseignement supérieur, précise qu'il y a des mesures qui ne concernent pas les lauréats de la médecine. Les détails avec Marie-Claire Cazenet. Les étudiants qui ont commencé et suivi leurs études dans le système BMD avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2011, les étudiants non détenteurs du diplôme d'État ou titre équivalent qui avaient commencé leurs études dans l'ancien système et qui ont été reversés dans le nouveau système et les étudiants non détenteurs du diplôme d'État ou titre équivalent enrôlés dans le système BMD, telles sont les conditions que doivent remplir les étudiants du système BMD pour obtenir leur diplôme, comme c'est écrit dans l'article 1 de cette ordonnance. Dans son article 2, les étudiants qui ont commencé le système BMD avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2011 ont également droit au diplôme de l'ancien système conformément à la loi du 13 juillet 1999, ainsi que ceux non détenteurs du diplôme d'État ou titre équivalent ayant commencé leurs études dans l'ancien système et qui ont été reversés dans le nouveau système selon l'article 4. L'article 3, alinéa B, stipule que l'acquisition des diplômes sera subordonnée à la réussite de la formation complémentaire avec rédaction et défense de mémoire de fin d'études devant un jury conformément au texte régissant l'ancien système. L'article 5 poursuit en expliquant que les étudiants non détenteurs du diplôme d'État ou titre équivalent enrôlés dans le système BMD après l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2011 ont droit au diplôme de technicien supérieur du niveau A1 conformément à l'article 10 de l'ordonnance ministérielle du 25 mai 2015. Cependant, le ministre Gaspard Banyankimbona explique que les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de cette ordonnance ministérielle ne s'appliquent pas aux étudiants du domaine des sciences de la santé. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique termine en précisant que la Commission nationale de l'Enseignement supérieur est chargée de la mise en exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature. Merci Marie-Claire Kadeneza qui tombe au Jumbura. Pour aller à Gitegam et parlons toujours éducation, l'Institut médico-pédagogique de Mutwenzi, commune et province de Gitegam, souffre de conséquences de l'arrêt l'année dernière des appuis du Programme alimentaire mondial, le PAM, à cet institut et la fermeture des activités de l'ONG Handicap International au Burundi au début de l'année en cours. Tels sont les propos du directeur technique de cet institut, qui invite les organisations humanitaires œuvrant encore au pays de prendre la relève, Gérard Niwikira. Le directeur technique de l'Institut médico-pédagogique de Mutwenzi, situé en commune et province de Gitega, Frère Nguyejean Lodier, dit que l'arrêt de l'appui du programme alimentaire PAM à cet institut a beaucoup affecté l'institut en question. Il y a le PAM qui donnait les vivres, pour le moment qui ne donne plus de vivres. Ça a été un handicap pour nous. Depuis que le PAM n'intervient pas pour donner la nourriture dans les centres de prise en charge des enfants en situation de handicap et dans les orphelinats, nous éprouvons un problème très sérieux de pouvoir couvrir la nourriture. Même en trimestre ou toute l'année, la contribution des parents n'est pas suffisante. Frère Nguyejean Lodier souligne que même la fermeture des activités de l'ONG Handicap International a eu un impact négatif sur les activités de l'Institut médico-pédagogique de Mutwenzi. Cela parce que Handicap International fournissait des appuis en équipement et assurait la formation pédagogique et médicale du personnel. Il souhaite que des organisations humanitaires qui œuvrent encore au pays puissent prendre la relève. Nous demandons aux ONG qui continuent à œuvrer au Burundi, les ONG humanitaires, de pouvoir nous aider pour agrandir le centre et les dortoirs et la cuisine, etc., pour pouvoir répondre aux besoins. Frère Nguyejean Lodier indique enfin que le taux de demande d'admission des enfants à l'Institut médico-pédagogique de Mutwenzi ne cesse d'augmenter alors que sa capacité d'accueil est limitée. Il remercie néanmoins tous ceux qui continuent à appuyer cet institut. L'institut est tombé des frères de Notre-Dame et de la Miséricorde. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nivigira quittant le centre du pays pour aller au nord. Et toujours éducation, les élèves de l'école fondamentale au lycée New Life d'Ongodi ont repris depuis ce lundi tous les examens du deuxième trimestre. Pour cause, c'est la tricherie aux examens par une sentinelle de ce lycée, ce qui a coûté l'emprisonnement de ce veilleur et le renvoi définitif dans des élèves trompés dans cette fraude d'examen. Apollinaire Muzakara. Selon le directeur de ce lycée, des élèves en possession d'examens fraudés ont été appréhendés. Au total, 4 examens étaient déjà volés. Des enquêtes menées à cet établissement secondaire ont montré, selon le directeur Olivier Ndouarougira, que le veilleur aurait fait fabriquer la clé du bureau abritant des questionnaires d'examen, chose confirmée par certains des élèves concernés par cette fraude, bien que le présumé auteur de ce forfait profite toujours des allégations. Le conseil professoral a alors décidé de refaire tous les examens à partir de ce lundi. Cette sentinelle, Selemani, est pour le moment sous les verrous où les enquêtes se poursuivent. 8 élèves ont été sanctionnés différemment, dont un, celui en collaboration directe avec l'accusé, a été renvoyé définitivement. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Merci Apollinaire Mouzagala. Il est possible de fabriquer du charbon écologique sur base de rafles de maïs pour préserver l'environnement. Delphin Kadze est fondateur et président de l'entreprise Kadze Green Economy, KEIG. Il a suivi la faculté des sciences de l'environnement malgré les difficultés d'accès au capital. Cet entrepreneur, encore étudiant, trouvait que le plus important est d'avoir l'idée d'un projet et de travailler avec les autres. Ne pas avoir ses propres locaux et les difficultés de transporter ses rafles de maïs jusqu'au lieu du travail sont quelques-uns des défis auxquels fait face encore l'entreprise KGE. Mireille Kanyang s'est entretenue avec cette jeune. La société Kadze Green Economy est une entreprise sociale qui produit du charbon écologique à base des rafles de maïs. Il a 23 ans, il est fondateur et président d'une entreprise dénommée Kadze. Il termine bientôt ses études de sciences de l'environnement à Gitega. Cela fait 2 ans que Kadze, opérant au quartier Kalela 2 dans la ville de Gitega, fabrique du charbon écologique, une idée fondée sur la déforestation. Cette entreprise a été initiée pour pallier au problème de déforestation qui est liée surtout à la production du charbon de bois. Après avoir constaté que cette déforestation est en train de détruire nos forêts, j'ai pris l'initiative de donner une solution durable qui peut nous aider à résoudre ce problème. Sa matière première, ce sont les rafles de maïs qu'elle rassemble auprès des cultivateurs et travaille également avec les associations collectant les déchets ménagers. Ce n'était pas facile de trouver du capital, mais l'important c'est de mûrir son idée de projet. C'est très difficile d'avoir un capital, surtout quand tu es jeune, mais ce qui est très important, si tu as un beau projet et il faut commencer avec le peu de moyens que tu as, si tu arrives à réaliser, c'est à cette étape que tu démontres aux gens que tu es capable, que tu es déterminé, que ton projet est réalisable et est viable. Alors, les investisseurs ou bien les actionnaires ou bien les bailleurs ne manqueront cette opportunité à te soutenir. Le problème de transport de ces rafles jusqu'au lieu de travail est l'un des défis. Les défis, il y en a beaucoup. D'abord, on n'a pas un grand terrain pour travailler, donc on n'a pas notre propre parcelle. Et aussi, avec le lieu où nous travaillons, on n'a pas d'accès à la route. Aussi, on n'a pas d'électricité, alors que la nouvelle machine qu'on utilise nécessite de l'électricité. Cette organisation qui produisait 30 kilos par jour au début en est aujourd'hui à 300 kilogrammes par jour, une ambition de servir différentes villes du pays. Merci Mireille Kanyang, page sportive pour clore cette édition. Les équipes de Aigle Noir, The Fighters et Rookies ont validé ce week-end le billet de jouer la finale de la Coupe du Président édition 2019. Au volleyball, le championnat a continué ce week-end et le match qui était attendu est celui qui a opposé les équipes des forces de l'ordre Muzinga et Rukinzo, qui est soldé sur la victoire de Rukinzo 3-7 contre 1 de Muzinga. Les détails avec Pacifique Chubahiro. Le championnat de volleyball a continué ce week-end à sa 3e journée. Côté féminin, la Colombe a été battue 3-7-1 par Muzinga. Amical a battu BVC 3-7-0. Côté masculin, ASB a battu Bissoro 3-7-0, tandis que Muzinga a été battu 3-7-1 par Rukinzo Volleyball Club. Au basketball, le championnat des clubs de Bujumbura, membre de la CEBAB, Association de basketball amateur de Bujumbura, a débuté ce week-end. Dans le match d'ouverture, Dynamo a battu Urunani sur un score de 63 points contre 57. Au rugby, un match amical a été joué entre l'équipe IN du Burundi et Jaguar de la République démocratique du Congo. Et Ien a battu Jaguar 12 points contre 5. Promis Bizimana, capitaine d'Ien, se dit satisfait de l'avenir de son club. Nous sommes bien satisfaits. Nous étions en train d'attendre l'équipe Jaguar. Gloire à Dieu, on a joué et on a vaincu. Nous étions bien préparés à l'entraînement et gloire à ça, on est venu de vainqueur. Et c'est pas n'importe quelle équipe qui joue avec Ien. On s'est forcé, on a bâti sur un essai. Au football, les équipes Aigle Noir et Rukinzo ont validé ce week-end le billet pour la finale de la Coupe du Président édition 2019. Rukinzo a éliminé Ngozi City en demi-finale sur un score de 3-1. Aigle Noir a battu Interstar sur un score de 2-0. Merci Pacifique et Chubahiro. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Epitas Daishimi qui l'a mise en onde. Eli Nibel Nibegira GTA sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.